18. Comment se termina la première journée? Suite du récit du docteur. Nous nous jetâmes au plus vite dans la petite bande de bois qui nous séparait encore du blockhaus. À chaque instant, les voix des brigands se rapprochaient. Bientôt, nous entendîmes le bruit de leurs courses précipitées dans le taillis et le craquement des branches qu'ils écartaient pour se frayer un passage. Il devenait évident que nous allions les avoir sur nous, et je commençais par m'assurer de l'état de mon amorce. « Capitaine, dis-je en même temps, Trelawney est le meilleur tireur de nous tous. Vous feriez bien de lui passer votre fusil, puisque le sien est mouillé. » Les armes furent aussitôt échangées. Trelawney, toujours silencieux et calme, s'arrêta un instant pour vérifier l'état de celle qu'il venait de recevoir. Je remarquai alors que Gray n'était pas armé, et je lui passai mon coutelas. Il y avait plaisir à voir de quel air il cracha aussitôt dans ses mains, et se prit à brandir sa lame. Notre nouvelle recrue valait évidemment son pesant d'or. 40 pas plus loin, nous arrivions à la lisière du bois et nous débouchions sur le blockhaus. Comme nous touchions à la palissade du côté sud, 7 des rebelles, commandés par Job Anderson, arrivaient en criant au sud-ouest. Ils s'arrêtèrent surpris à notre vue, et avant qu'ils eussent eu le temps de se reconnaître, 4 coups de feu étaient partis. Le mien et celui du square, hors de la palissade, celui de Hunter et de Joyce, de l'intérieur du blockhaus. Ces 4 coups s'étaient succédés sans ordre, mais n'en firent pas moins leur effet. Un des brigands tomba. Les autres, sans hésiter, tournèrent le talon et se replongèrent dans le bois. Après avoir rechargé nos armes, nous fîmes le tour de la palissade pour examiner l'homme qui venait de tomber. Il était mort, une balle au cœur. Nous exultions déjà sur ce premier succès, quand un coup de pistolet éclata dans les broussailles voisines et le pauvre Redruss s'abattit à mes pieds. Le square et moi nous eûmes bientôt ripostés, mais comme nous tirions au jugé, ce fut probablement en pure perte. À peine avions-nous rechargé nos armes que notre attention se tourna vers le malheureux Redruss. Le capitaine et Grey l'avaient déjà soulevé dans leurs bras. Du premier coup d'œil, je vis qu'il était perdu. La promptitude de notre riposte avait sans doute intimidé les rebelles, car nous eûmes tout le temps de faire passer le pauvre garde-chasse par-dessus la palissade et de l'emporter, geignant et sanglant, jusqu'à l'intérieur du blockhaus. Le brave homme n'avait pas prononcé un seul mot d'étonnement, d'inquiétude ou même d'improbation, depuis l'ouverture des hostilités jusqu'à l'instant où nous l'allongeâmes sur le sol de notre refuge pour y mourir. Bravement, il était resté à son poste derrière la grille de la coursive, silencieux et résolu. Il avait obéi à tous nos ordres, et maintenant il était frappé le premier, lui notre aîné de 20 ans à tous. Le squire tomba à genoux auprès de lui, en pleurant comme un enfant. Il prit la main de son vieux garde-chasse et la baisa. « Est-ce que je m'en vais, docteur ? » me demanda le blessé d'une voix faible. « Vous allez au repos éternel, mon brave, » lui dis-je avec la franchise qu'il réclamait de moi. « J'aurais aimé à leur envoyer une balle ou deux, » fit-il avec un soupir. « Mon pauvre Redruss, dites-moi que vous me pardonnez, » murmura le squire. « Ce ne serait guère respectueux, maître, » protesta le vieux serviteur. « Mais puisque vous le désirez, amen. » Après un moment de silence, il dit qu'il souhaitait que quelqu'un lût une prière. « C'est l'usage, monsieur, » ajouta-t-il en manière d'excuse. Puis il expira sans avoir prononcé d'autres paroles. Cependant, le capitaine était en train de vider ses poches, et ce qu'il en tirait me donnait enfin l'explication des bosses singulières que j'avais remarquées sur sa personne depuis que nous avions quitté le schooner. C'étaient des pavillons anglais, un rouleau de cordes, un encrier, des plumes, le livre de bord, plusieurs paquets de tabac et d'autres choses encore. Il avait déjà trouvé un sapin de bonne longueur couché dans l'enclos de la palissade, et avec l'aide de Hunter, il le dressait à l'un des angles du blockhaus, dans l'entrecroisement des troncs d'arbres. Grimpant alors sur le toit, il attacha un pavillon à sa corde, et de ses propres mains il le hissa au mât. Cela fait, il parut beaucoup plus à son aise, et se mit à faire le dénombrement de nos provisions, comme s'il n'y avait pas au monde d'affaires plus importantes. Cela ne l'empêchait pas de suivre du coin de l'œil l'agonie du pauvre Redruss, car à peine eut-elle pris fin, qu'il déploya un autre pavillon et l'étendit respectueusement sur le cadavre. « Ne prenez pas les choses trop à cœur, monsieur, » dit-il en serrant la main du square. « Tout va bien pour lui. Quand un homme est tué en faisant son devoir envers son capitaine et ses armateurs, il n'y a rien à dire. » sur quoi il me prit à part. « Docteur Livesey, me demanda-t-il, pour quelle époque attendez-vous le navire de secours ?» Comme je le lui expliquais, c'était une question de mois plus que de semaines ou de jours. Il avait été convenu avec Brandley que si nous n'étions pas de retour à la fin d'août, il enverrait à second schooner à notre recherche, ni plus tôt ni plus tard. « Faites le calcul vous-même, dis-je, pour conclure. »« Eh bien alors, répondit le capitaine en fourrageant dans ses cheveux, sans être ingrat pour les bienfaits de la Providence, je crois pouvoir dire, docteur, que nous sommes dans de fichus draps. »« Bah, répondis-je, nous en sortirons. » »« Il est bien regrettable que nous ayons perdu ce second chargement, reprit le capitaine, en suivant son idée. « Pour la poudre et le plomb, cela peut encore aller. » Mais ce sont les rations qui sont courtes, docteur. Courtes que, ma foi, peut-être faut-il moins regretter une bouche de plus. Et il désigna le pauvre Redruth enseveli sous son pavillon. À ce moment, un boulet passa en sifflant au-dessus du blockhaus et alla se perdre dans les bois. « Oh, oh !» fit le capitaine. « Amusez-vous, mes amis, comme si vous aviez de la poudre de reste. » Un second coup de canon porta plus juste et le boulet tomba dans le blockhaus, en soulevant un nuage de poussière et de sable. Mais heureusement, sans blesser personne. Capitaine, fit observer le square, le fort est absolument invisible de la mer. Il faut donc que ce soit votre pavillon qui serve de point de mire. Ne serait-il pas plus sage de le redescendre ? Abaissez mon pavillon, s'écria le capitaine. Non, monsieur, je ne ferai point cela. Et il avait à peine énoncé cette déclaration que nous étions tous de son avis. Ce pavillon n'était pas seulement un symbole de devoir et d'honneur, il servait encore à montrer aux révoltés que nous nous occupions peu de leur bombardement. Toute la soirée, le feu continua. Les boulets se suivaient de près, les uns passant au-dessus de nos têtes, les autres tombant au pied du blockhaus, d'autres se frayant un chemin dans le toit, sans grand dommage. Les gens du schooner étaient obligés de pointer si haut que le boulet avait perdu presque toute sa force quand il arrivait, et s'enfonçait à peine dans le sable. Jamais il ne ricochait. Aussi en étions-nous bientôt venus à ne pas plus nous en inquiéter que d'une balle de cricket. « Ce tir a au moins un avantage, fit remarquer le capitaine, c'est qu'il doit avoir débarrassé le bois de ses vermines. À l'heure qu'il est, le jusant est au plus bas, et nos provisions doivent être à découvert. Je demande des volontaires pour aller procéder au sauvetage de notre port salé. » Gray et Hunter furent les premiers à s'offrir. Armés jusqu'aux dents, ils se glissèrent hors de la palissade, et franchissant la bande de bois qui nous séparait de la mer, ils arrivèrent au rivage. Mais ce fut inutilement. Les rebelles avaient eu la même idée que nous, et quatre ou cinq d'entre eux, plus audacieux que nous n'aurions supposé, ou se sentant protégés par le canon d'Israël Hans, étaient déjà en train d'enlever nos provisions, qu'ils disposaient dans une chaloupe. Cette embarcation se maintenait à leur portée, en donnant un coup d'aviron par-ci, un autre par-là, contre le courant. John Silver s'y trouvait en personne, dirigeant les opérations. Chacun de ces hommes était maintenant armé d'un fusil que les gredins avaient sans doute extrait de quelque cachette à eux connue. Dans le blockhaus, le capitaine s'était assis devant son livre de bord, et voici ce qu'il écrivait. « Alexandre Smollett, maître du schooner Hispaniola. David Livesey, docteur médecin. Abraham Gray, second charpentier. John Trelawney, propriétaire. John Hunter et Richard Joss, domestiques du précédent, passagers, les susnommés restés seuls fidèles à leur devoir, avec 10 jours de provisions à la ration de famine, ont abordé ce jour-là dans l'île au trésor et arboré le pavillon britannique sur le blockhaus. Thomas Redruth, garde-chasse, passager, tué d'un coup de feu par les rebelles. Jim Hawkins, mousse. À ce même moment, je me demandais ce qui était advenu du pauvre enfant. Quand nous entendîmes une voix nous appeler du côté opposé à la mer. « Quelqu'un nous est, » le dit Hunter qui montait la garde. « Docteur, Square, capitaine, Hunter, êtes-vous là ?» disait la voix. Je courus à la porte et je vis James Hawkins, sain et sauf, qui escaladait la palissade du blockhaus.